anciens, des rêves mocassins, street crédibilité, les coups du jodassin, impossible d'imiter. Père de TN, Gingis Squad, t'es malade et gaine, qui sort du square. Cartonne la BM, ils ont pris la DN, bombardier à la PM. Dégaine le pistolet, crosser la victime, arrête de faire l'ancien, wesh ton père le viking, que des gueules d'Africains, pas de chantage affectif, on va te crosser, crosser jusqu'à trouver de l'or. Remettre de l'or dans ce game de chemette, fais coffrer des dollars. Dans le meuf de chevet, dédicace au dollar qui se porte bien, des tractions et des dix. Devant du porte-clés, écoute mon album, j'ai la force au frère, solide comme l'atome quand la porte se ferme. La frappe à Garrett, la frappe à Sidor, l'Afrique a subi, l'Europe a ses torts. Descends de tous mes jeunes, faut y aller pour m'attendre. Pas de représailles, vise le haut du bassin. Les anciens verraient mon cassin, street crédibilité et coup du Jodassin, impossible d'imiter. Y'a que dans ta tête que t'es un youvoi, dans ta tête que t'es un youvoi. Y'a que dans ta tête que t'es un youvoi, dans ta tête que t'es un youvoi. Pas de boucan, pas de boucan, pas de boucan. Pas de boucan, pas de boucan, pas de boucan. Au fond du checker, whisky sec, tes cartes. On a traîné si tard, on a traîné ses putes. J'suis au fond du van, j'étais au fond du trou. Je remercie mes fans qui me portent secours. T'es pas crédible, j'ai de la frappe et le drip. J'ai graffé le tri pour démasquer ses traits. Sur moi j'ai pris, sur moi j'mets le prix. Pas ton âge petit, comment refuser le tête. J'investis de la pierre et en boîte de nuit, j'te laisse faire la guerre, hein. J'ai un quart de sec, j'vais fonder ma mif avec ton belvédère, hein. Voilà pour plaire ni pour perdre, mais faire tourner le terrain. Père de TN, des gaines, voyous en roue, air libre sur un R1. Descendant de vous, mes jeunes, faut y aller pour m'attendre. Pas de représailles, vise le haut du bassin. Les anciens verraient mon cassin, street crédibilité et coup du Jodassin, impossible d'y m'y. Y'a que dans ta tête que t'es un youvoi, dans ta tête que t'es un youvoi. Y'a que dans ta tête que t'es un youvoi, dans ta tête que t'es un youvoi. Pas de boucan, pas de boucan, pas de boucan. Pas de boucan, pas de boucan, pas de boucan. Grosse caméra, béret, mocassin. J'suis sur l'échange, écoute Jodassin. J'suis sur l'échange, écoute Jodassin. Grosse caméra, béret, mocassin. Grosse caméra, béret, mocassin. J'suis sur l'échange, écoute Jodassin. J'suis sur l'échange, écoute Jodassin. Grosse caméra, béret, mocassin. J'suis sur l'échange, écoute Jodassin.